1 Corinthiens chapitre 9. Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu notre Seigneur Jésus-Christ? N'êtes-vous pas mon ouvrage au Seigneur? Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat au Seigneur. C'est là mon apologie envers ceux qui me condamnent. N'avons-nous pas le pouvoir de manger et de boire? N'avons-nous pas le pouvoir de mener avec nous une sœur femme, ainsi que les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas? N'y a-t-il que Barnabas et moi, qui n'ayons pas le pouvoir de ne point travailler? Qui est-ce qui va jamais à la guerre à ses dépens? Qui est-ce qui plante la vigne, et ne mange point de son fruit? Qui est-ce qui paie le troupeau, et ne mange pas du lait du troupeau? Dis-je ces choses selon l'homme? La loi ne dit-elle pas aussi la même chose? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'émuselleras point le bœuf qui foule le grain. » Or Dieu a-t-il soin des bœufs, et n'est-ce pas entièrement pour nous qu'il a dit ces choses? Certes elles sont écrites pour nous, car celui qui laboure, doit labourer avec espérance, et celui qui foule le blé, le foule avec espérance d'en être participant. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grande chose que nous recueillons de vos biens charnels? Et si d'autres usent de ce pouvoir à votre égard, pourquoi n'en userions-nous pas plutôt qu'eux? Cependant nous n'avons point usé de ce pouvoir, mais au contraire, nous supportons toutes sortes d'incommodités, afin de ne donner aucun empêchement à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient aux choses sacrées, mangent de ce qui est sacré, et que ceux qui servent à l'autel, participent à l'autel? Le Seigneur a ordonné tout de même, que ceux qui annoncent l'évangile, vivent de l'évangile. Cependant je ne me suis point prévalu d'aucune de ces choses, et je n'écris pas même ceci afin qu'on en use de cette manière envers moi, car j'aimerais mieux mourir, que de voir que quelqu'un anéantit ma gloire. Car encore que j'évangélise, je n'ai pas de quoi m'en glorifier, parce que la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi, si je n'évangélise pas. Mais si je le fais de bon cœur, j'en aurai la récompense, mais si c'est à regret, je ne fais que m'acquitter de la commission qui m'en a été donnée. Quelle récompense en ai-je donc? C'est qu'en prêchant l'évangile, je prêche l'évangile de Christ sans apporter aucune dépense, afin que je n'abuse pas de mon pouvoir dans l'évangile. Car bien que je sois en liberté à l'égard de tous, je me suis pourtant asservi à tous, afin de gagner plus de personnes. Et je me suis fait aux Juifs comme Juifs, afin de gagner les Juifs, à ceux qui sont sous la loi, comme si j'étais sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, à ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi, quoique je ne sois point sans loi quant à Dieu, mais je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Je me suis fait comme faible aux faibles, afin de gagner les faibles, je me suis fait toutes choses à tous, afin qu'absolument j'en sauve quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin que j'en sois fait aussi participant avec les autres. Ne savez-vous pas que quand on court dans la lice, tous courent bien, mais un seul remporte le prix? Courez donc tellement que vous le remportiez. Or, quiconque lutte, vit entièrement de régime, et quant à ceux-là, ils le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous, pour en avoir une incorruptible. Je cours donc, mais non pas sans savoir comment, je combats, mais non pas comme battant l'air. Mais je mortifie mon corps, et je me le soumets, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois trouvé moi-même en quelque sorte non recevable.